Une radio locale, citoyenne et solidaire depuis 40 ans. La Matinale Académie. Bonjour à tous, nous sommes dans la 35e heure de notre direct dans les 40 heures. Ah, on commence à être plus près de la fin que du début. Hein. Peut-être heureusement pour nous, parce qu'on n'a pas tout à fait la même voix qu'hier. Et on s'est surtout levé un peu plus tard qu'hier. Heureusement qu'on ne fait pas des week-ends de 3 jours. Alors comme il y a le hashtag 80 ans de Fadjet qui court un peu depuis le début de ces 40 heures, je ne sais pas trop dans quel état on serait après 80 ans direct. Ah, nous aussi on est près de la fin. Francis, non. On va commencer comme ça. Vous l'avez reconnu, Francis. Francis que l'on a entendu hier dans la journée pour évoquer sa grande vie à Fadjet. Depuis, allez, combien de temps, Francis? J'ai dû arriver en 91, je crois, donc voilà, donc, j'ai pas envie de compter. Il sera un témoin aujourd'hui dans notre Académie Fadjet. Il est venu et c'est avec beaucoup de plaisir que je l'accueille. Il a participé à plein de choses hein, avec moi dans la radio. De l'autre côté, à ma droite, j'ai Davy. Oui. Davy qui est là aussi depuis... quoi? Ouais, depuis cette nuit, depuis hier soir 22h. Oui, mais dans la radio. Oui, déjà depuis hier soir. Ça, c'est sûr, vous l'avez entendu et il est encore là après. Parce que vous avez la matinale classique avec Davy tout à l'heure. Mais dans la radio. Ah, ça fait depuis 96. 96, ouais, c'est pareil. Hein, c'est pas les... J'ai pas pris les plus jeunes hein, aujourd'hui. on continue avec celui avec qui vous avez passé une nuit magnifique. Puisqu'il était là de 5h à 6h. Bonjour, Sébastien de retour. Sébastien, après un café, voilà. Voilà. Ah, t'as eu un café? Il y avait en bas. Un peu le temps d'en prendre. Non, non, c'était juste pour combler le truc. Ça, y a rien à voir, il n'y a pas de café. Non. Et petit message subliminal que ma fille qui est là. Bonjour Manon. Alors là, bonjour. Ça rajeunit la moyenne d'âge. Vraiment, ouais. Et moi, ça doit faire 2 ans que je suis là, donc ouais. Ça va. Et Manon qui me dit, oh, Yves n'est pas là, on n'aura pas de café. Ça, c'est pour rebondir sur ce que va dire Sébastien. Alors Yves, je sais que tu nous écoutes et que tu es en train d'arriver, donc voilà, merci d'avance. Sous Hélène est là, pour la deuxième fois aussi. Bon, le deuxième matin, ça n'a pas été trop dur. Si, bonjour à toutes et à tous. On a passé une journée assez remplie avec Sue Hélène, du matin 5h au soir 22h, 22h30. En fait, on est là dans cette matinale académie pour réévoquer toute cette ambiance de Fadjet et toutes ces émissions que j'ai pu faire avec mes complices dans les années, à la fin des années 80, les années TME. Les années de l'Académie Fadjet et puis les années feuilleton, on va revoir. Donc c'est la deuxième partie et tout de suite, on va commencer dans le bain. On avait des témoignages hier d'Edith et Carole qui fêtaient les 10 ans de TME. Et ben voilà. Et ben, c'est on parle du loup, ils arrivent. Comme un génie de sa bouteille, Edith trouve la porte parce qu'elle aussi, elle est courageuse. Elle rempile pour un deuxième matin. Et on n'a même pas assez de micros. On est obligé de se partager les micros. Bonjour à tous. Ça a été dur. Mais je t'ai pas répondu à ton SMS, mais j'étais en train de rouler à 100 à l'heure dans les rues de Nancy pour être à 6 heures. Mais ça va. Hein, voilà. Donc on est révoque donc ce matin pour débuter les années TME et là quelques bandes annonces un peu sympathiques qui vont s'enchaîner et qui vont absolument bien dans l'ambiance de ce réveil parce que dans mes archives j'ai retrouvé je ne sais pas si vous vous rappelez dans les années TME il y avait tu peux rappeler ce que c'est TME? Transmusique Express, tu as raison, effectivement. Parce qu'en fait ça s'appelait au début Transmusique Express et puis comme on était à une époque où on commençait à simplifier les choses, à donner des sigles, voilà, et que c'était un peu long, c'est devenu les initiales TME. Et donc, il y avait des bandes annonces sympas, et notamment une que j'ai retrouvée, puisque dans l'espace, il y avait les émissions TME, et puis il y avait des découvertes d'albums, ça s'appelait l'espace TME. Et rappelez-vous, si vous avez bonne mémoire, ces jingles un peu... Vous allez savoir à quelle heure c'était, hein, l'espace TME. Quoi que vous fassiez, où que vous soyez, le plaisir de la découverte se consumera toujours sur Fadjet. 4 quarts d'heure, 4 albums. Le mercredi, de 22h à 23h. Dans l'espace TME. On n'entend pas ? Allez, couchez ! Voilà, c'était la version un peu animale, on va dire. Il y en avait une plus tranquille. Quoi que vous fassiez, où que vous soyez, le plaisir de la découverte se consumera toujours sur Fadjet. 4 quarts d'heure, 4 albums, le mercredi, de 22h à 23h, dans l'espace TME. Chut, chut, doucement, doucement. Voilà, deux ambiances. C'était l'époque où on faisait découvrir. Alors on est dans les années 80, fin des années 90. Hein, on est 99, 2000, 99. On découvrait ces albums-là pendant une heure le mercredi soir. Voilà, on salue Agnès qui avait fait à l'époque de très belles voix et qui faisait partie de l'équipe. Car l'équipe s'est agrandie au fur et à mesure. Hier matin, on parlait de Christophe, de Vincent. Et puis, il y a eu Bruno aussi qui arrivait, nos amis belges. Eric et Philippe, que j'aurais rêvé réveiller le matin, 6h du matin. Mais j'ose pas quand même parce que ça fait un peu tôt de les appeler à cette heure-ci. Et puis après, Agnès et d'autres qui sont venus. Alors, il y avait aussi... À un moment donné, on a voulu rajeunir l'antenne et j'ai retrouvé des enfants dans mes bandes annonces qui doivent aujourd'hui avoir 35 ans, 40 ans, 40, une quarantaine d'années. Et ce serait amusant s'ils nous écoutaient. Et on leur avait fait faire un début d'émission. Et ils nous appelaient les Pokémon. Je me rappelle plus pourquoi ils nous appelaient. On était leurs Pokémon et ils jouaient avec nous. Ils s'appelaient Cathy et Alex. Et donc c'était aussi au tout début des années 2000, 2001, 2002. On écoute Alex et Cathy qui en 2001 présentaient l'émission TME. Hé, hey, dépêche-toi, ça commence. J'ai le trac. On ne va tout de même pas arriver en retard le premier jour. Ok, je suis prêt. Thème, nouvelle formule, c'est parti. Bonsoir, bienvenue sur Fadjet dans l'émission de rentrée de Thème. Bonsoir Alex. Salut Cathy. Nous sommes les nouveaux patrons de votre émission qui débute ce soir sa 13e saison. On nous a confié le rajeunissement de l'antenne de Fadjet le vendredi soir. Alors, nous voilà. Vendredi 15 septembre, TME, 511e édition, le sommaire. 22h, le Hot 40 avec les 40 titres les plus chauds de cette rentrée. 21h, c'est bon à savoir, info, musique, partout dans le monde. Tout est bon à savoir. Et tout de suite, le ciné d'à côté, l'univers ciné à quelques mètres de chez vous. Voilà, ce rajeunissement d'antenne, j'avoue que je m'en rappelais plus, je les avais un peu... J'ai un peu oublié cette époque-là, et j'ai dit, mais oui, c'est vrai. C'est vrai que des fois, il y a des choses qu'on oublie. Hein, mais ils venaient d'où ? Bah, ils venaient, c'est des enfants qu'on avait pris dans la rue, bah, casting sauvage. Bah, c'est un peu ça, je pense qu'on les avait rencontrés à la radio. Hein. Je pense que c'est des jeunes qui passaient à la radio et qui devaient bien aimer ce qu'on faisait à l'époque. Et voilà, on leur avait dit, bah, venez faire des jingles. C'est vrai que c'est pas des, ils venaient pas, voilà, ils sont venus une paire de fois faire des séances d'enregistrement. On leur avait fait faire plein de jingles, plein d'entrées, de sorties, voilà. Et après, on s'en est servi pendant toute une saison. C'était assez sympa. Alors là, on est maintenant plutôt 2001, 2002, 2003. C'était un peu, il y a un peu plus de 20 ans. Après, on vit tous des périodes où où on est un peu plus... voilà, c'était ma période un peu déprime, on va dire. L'équipe était un peu... Voilà, il était parti un peu... Tout le monde avait un peu vécu des choses différentes. Bruno ne pouvait plus revenir. Christophe était parti vivre d'autres cieux. Et donc, la dernière année de TME a été une année un peu bizarre. Comme j'étais pas très bien, je me suis rapproché de la personne qui m'inspirait le plus de réconfort. Et c'était mon chien. Et comme j'avais toujours une imagination débordante, on est à l'époque de la Star Academy, on est à l'époque du Loft, on est à l'époque du début de Koh-Lanta. Vas-y, je t'en prie, entre, Laurent. Voilà, l'équipe est complète aujourd'hui, on fait ça le comble. Eh bien, à cette époque-là, j'ai donc créé les soirées d'Orca où je passe mes vendredis soirs avec mon chien. Séance de casting, séance d'audition pour bien sûr prendre les voix du chien. C'est pas facile de faire aboyer son chien, mais j'ai réussi. Et donc, ça donne des petites soirées sympas en 2002 qui s'appelaient les soirées d'Orca et qui se déclinaient avec la Labrador Academy. Pour bien sûr, en référence à la Star Academy, Canine Story, en référence au Love Story, et les aventuriers de Sinos Sporta, en référence bien sûr à Koh-Lanta. Quelques bons annonces souvenirs. La Labrador Academy. Fermez les yeux. Imaginez deux îles, un loft, un château, et partez à la découverte des soirées d'orques. Chaque vendredi 20h, vivez 90 minutes d'aventure musicale sur Fadjet. Voilà, il y en a eu d'autres. Allez, parce que pour le plaisir, moi, j'adore écouter mon chien. Story. Fermez les yeux. Imaginez deux îles, un loft, un château et partez à la découverte des soirées d'orques. Le vendredi 20h sur Fadjet. 90 minutes d'aventure musicale. Bon, je vous l'ai pas dit, mais vous avez douté, vous en êtes souvenu, enfin, vous avez douté plutôt. Mon chien s'appelait Orca, hein, évidemment. Voilà, je l'avais pas dit, mais. Il a une très belle voix. Ouais, ouais. Ça me perd de temps qu'il est parti, mais voilà, j'aime toujours, ça me fait. Et j'avais fait même une affiche avec sa figure. Je sais pas si vous en rappelez. C'était il était gentil. Hein, il était gentil, voilà. Moi, j'ai pas connu ces émissions. Ouais, oui. Bah, c'était une année, hein, donc c'était un peu. J'étais tout seul, j'étais un peu triste et je me réconfortais avec mon chien. Voilà, tu vas nous faire pleurer les matins. Non, mais j'avais envie de parler mon chien ce matin, donc voilà. Bref, allez, maintenant on joue. Bonjour Laurent, je t'ai pas officiellement dit bonjour. Bonjour. Pas être dur ce matin, c'est pas facile. Bah, surtout qu'il y a un qui est autour de la table qui est responsable de mon retard. C'est Davy. Hier, j'ai fait des achats, j'installais et j'ai écouté son émission. Et à un moment donné, je me suis dit non mais là, il faut quand même que j'aille me coucher. Ah oui. Et j'étais pris dans ton truc en fait. Ah voilà. Merci. Et je voudrais donc, comme j'interviens vraiment là, au cœur des 40 heures, des 40 ans de Fadjet, on est intervenu vendredi à 18h, et j'ai pas eu l'occasion de souhaiter un bon anniversaire à notre radio, à Fadjet, et je voudrais commencer, et on le fera certainement vendredi prochain, je voudrais commencer à féliciter tous les intervenants, que ce soit les bénévoles, tous ceux qui ont participé depuis le début aux 40 ans de Fadjet. On vit un week-end magnifique avec des programmes. Là encore, juste avant la matinale Fadjet, on a eu une émission. Mais Sébastien, je lui ai dit en arrivant, c'était grandissime. Ouais. J'ai adoré hier parce que j'aimais bien la science. Mais comme j'ai dit aussi à Manon dans la voiture, franchement, la science c'était mieux hier parce que la science aujourd'hui c'est un peu difficile. Le petit programme de Sébastien c'était parfait pour émerger, hein, mais franchement, ouais, c'était bien en plus. Ouais. C'était très très bien. Hein, mais on a des émissions, on a de tout. Ouais, se réveiller sur de la science hier, c'était quand même franchement, l'équipe de Corentin était parfaite. On a eu de tout. On a eu une soirée à partir de 22h, dance, vraiment très très bien. Davy, je suis désolé, mais Davy, je peux écouter Davy en replay. Parce que vous savez que vous pouvez entendre, réécouter tous les replays de ces 40 heures pendant toute la semaine. Hein. Ah oui. Et puisque les programmes de Fadjet restent pendant 24 heures sur le player en replay. Parce qu'on en a forcément loupé. Parce que forcément, on va être honnête. Des fois on mange, des fois on se lave. Enfin, quand on mange, on peut écouter, mais quand on se lave, des fois on dort. Et puis on dort un peu, parce que quand même, si on n'avait pas dormi, je pense que je ne sais pas dans quel état on serait à ce temps-ci, déjà qu'on s'est réveillé bien plus tard que prévu. Alors on en a un, là, je ne sais pas comment il fait. J'ai fait plusieurs passages à la radio, il est toujours là. Ah bah, il est toujours là, oui. Je l'ai croisé dans les couloirs, je lui ai demandé c'était quoi son secret. Et t'as vu les allumettes dans les yeux là ? Ah là, j'ai pas vu les allumettes. Il m'a dit qu'il allait même pas se coucher là, qu'il continuait. Parce que sinon, il revenait pas. Et oui, mention spéciale à Agathe aussi. Franchement, Agathe, elle est là depuis même avant, hein, même avant le début, vendredi après-midi. Elle était là, je vous dis pas ce qu'elle avait entre les mains, mais franchement, merci Agathe de. Non, elle avait un balai. Hein. Elle faisait le ménage. Tout de suite, on va faire des choses comme ça. Non, mais là, tu nous intrigues. Non. Elle faisait le ménage là. La pauvre Agathe. Elle avait des clés de la radio. Non, quand même. Allez, 6h19. Vous êtes dans la Matinale Académie avec toute ma troupe de gens qui sont autour de moi depuis aussi très, très, très longtemps et qui ont fait beaucoup de choses à la radio dans des styles complètement différents. On y reviendra si on reste 5 minutes à un moment donné. Maintenant, on joue un peu avec le Hot 40. Edith sait absolument comment ça marche. Elle a déjà joué hier. Manon également, qui l'a à visu sur ma feuille. Donc là, ça sera beaucoup plus facile qu'hier. Là, on est donc, Edith, en quelle décennie ? Eh bien, à partir de 2005. Hein. Voilà, puisque 40 ans, on a joué hier pour 85-95, puis 95-2005. Il nous reste 20 ans de jeu. C'est parti. Est-ce que nous jouons entre 2005 et 2015 ? Est-ce que les titres que l'on écoute étaient dans ces décennies ? C'est simple. On commence avec, on essaie de deviner. C'est facile. Rihanna, good girl going bad, take three, action, no clouds in my stones, let it rain, I hydroplane in the bank, coming down like a Dow Jones, when the clouds come we gone, we Rockefeller, we fly higher than weather, and she flies are better, you know me, in anticipation for precipitation, stack chips with a rainy day. Chez vous, c'est plus difficile à reconnaître, sauf qu'elle l'a dit au début. Parce qu'ici, on a maintenant. Il y a 20 ans, on pouvait faire ça, personne n'aurait su, on l'aurait reconnu. J'avais même pas vu qu'elle l'a dit. Là, maintenant, tout le monde. Oui, moi non plus, j'avais pas vu, t'aurais pas nous le dire. On a le prompteur, en fait. On a tout. Je peux mettre ça sur le cartoucheur, hein, comme ça, vous voyez rien du tout. Oui. Non, mais bon, le but, voilà, vous avez reconnu Rihanna avec. Je ne me rappelle plus que le single de Rihanna commençait un peu comme ça. Si elle dit pas son nom, on n'aurait pas forcément reconnu. Elle a dit son nom. Quand tu dis on a reconnu, tu parles de qui ? Parce que c'est-à-dire, tu t'avances beaucoup là. Oui, Davy avait reconnu, c'est sûr. Oui, hein. J'avais reconnu. Et Francis, oui, non ? Ah non. Non, d'accord. Moi, Manon, ouais, t'avais reconnu. Bah, c'est facile, t'as mis note. Alors, Rihanna. Et moi, il demande pas. Non, bah il demande pas parce que. Et toi, tu vois même pas l'écran. Je vois même pas l'écran. Et en plus, moi, ma CD Tech, ça part de Modern Talking à Tom Anders. Ouais. Donc, il n'y a pas Rihanna. Il n'y a pas Rihanna. Et il arrive encore à le replacer même à 6h22. Il est trop fort, Laurent. Moi, je vois l'écran, mais je vois toujours pas où est Rihanna sur l'écran. Ouais. Si, en haut à droite, dans le lecteur. En haut à droite. En haut à droite. Et tu vois, t'as déjà le suivant à gauche. Et puis la suite en bas. Le suivant à gauche et les autres après. Bon, bref. Ouais. Alors, Rihanna, 2005-2015. Oui. Oh, bah oui. Oui, tout à fait. J'en ai aucune idée. Alors, pas mettre un piège dès le début. Non, vous avez raison, j'aurais pu. Hein. Et alors, quelle époque ? Bah, 2005-2015. Ouais. Non, mais il demande l'année, là. Oui, mais à quelle époque ? 2005. Bah, 2009, moi, je pense. Ah, 2005. Pas loin. 2010. 2007. Ah, Agathe a une idée. Moi, je suis une grande fan de Rihanna, alors je dirais que Umbrella, c'est 2007 et c'est sur l'album qui fait la chronique, c'est sur Good Girl Gone Bad. C'est une good girl, c'est une one girl, Rihanna, pour toi. Elle est passée dans le. Elle n'est pas encore passée, mais parce que c'est vraiment. Tu vois, Rihanna, moi, c'est top, mon artiste tip top, donc j'ai trop peur de me planter. Alors. Faudrait deux heures d'émission, peut-être aussi. D'accord. Bah, tu as raison. C'était évidemment. Mais Davy aussi avait la bonne essai. Elle était numéro 1 du Hot 40 au printemps, pendant quasiment tout le printemps 2007. Bravo, Agathe, toujours au top. après deux nuits à Fadjet, ou presque. Ensuite, alors là, peut-être c'est peut-être un peu plus dur, le suivant. Parce que là, c'est vrai que je ne me rappelais plus non plus. On reconnaît la musique. C'est Timbaland avec Apologize, un très beau slow. Alors, est-ce qu'on est aussi dans la période? Un indice, il était numéro 1 à Noël. Alors, à quel Noël Timbaland était... 2013, 2014, 2012. Allez. 2015. Non. Moi, je trouve que c'est bien de jouer avec une émission comme le Hot 40. Quand on voit la longévité de l'émission, c'est facile à trouver. Non, mais cette chanson-là, elle se place là. Hein. Le Hot 40, ça fait des années. Là. T'en es à quel numéro de l'émission? 1442. Oh la vache. 37 ans. Allez, 37. Une des émissions phares. On fêtera les 40 ans du Hot 40 avec autant de... Non, 40 heures de direct pour les 40 ans du Hot 40. 4 heures de direct. Une heure par année. Ouais. Dites-y par heure. Dites-y par heure. Oui, non, bah c'était à Noël 2008. Ah. Oh, bah. Ouais, mais je sais pas, c'est une chanson qu'on a toujours l'impression d'avoir entendue, mais qui est un peu difficile de placer sur. Sur l'échelle. La frise chronologique. Voilà, merci, madame la directrice. ensuite, c'est pareil celui-là. Hein. On a tous entendu la chanson là. Ed Sheeran, Shape of You. Oh, c'est récent, ça, non? Ah, ouais, c'est récent, mais ah, oui, c'est récent. Ça fait un moment qu'il chante, Ed. Oui, 2015. 2019. À 2007. Ah là, on est. 36, une petite idée. C'est pas 2005-2015. Francis a déjà la réponse. C'est une question. Non, mais c'est vrai. D'accord. Tu as raison. Lui, donc, c'est plus récent, Laurent, effectivement. Oui. Donc, tu t'es pas loin, Laurent. Ah, t'as dit 2016. Hein. Non, c'est moi, 2016. Bah, c'est entre les deux. 2018. Ok. Punaise. 2017, pardon. C'est moi qui dis des bêtises. 2010, c'est toi qui, dont t'avais dit. 2016. Ouais, voilà. Avec toi, t'avais dit, c'est entre les deux, mais 2017. C'est Edith qui était plus proche. Ouais. Il était numéro 1 tout le printemps 2017, Ed Sheeran. Et enfin, le dernier. Ah, c'est pareil, hein, celui-là. Alors, est-ce qu'on est dans la période? Non. Pharrell Williams. J'aurais dit puis, parce que ça fait longtemps qu'on entend ça. Ah oui, j'ai l'impression que c'est... Intemporel. Ouais. Ou alors c'est encore 2020. Plus ancien. 2020. Oh, je... Ah, peut-être. Je sais pas. Happy. Ah oui, 2000. Alors, 2020, je sais pourquoi tu dis ça. C'est une reprise, peut-être. Parce que non. Parce que c'est la chanson que... qui est revenu très très à la mode pendant le Covid. Ah oui. Parce qu'on était tous derrière nos écrans d'ordinateur et il fallait qu'on se... Et on chantait tous Pharrell Williams avec Happy dans les années 2020-2021 en plein Covid. Mais la chanson, elle est 2007. Plus... 2007 Non. 2015. Avant 2005, alors. 2000. Ah, attendez, non. 1990. Non, non, deux... Pas avant 2005. C'est après quand même. D'accord. 2016. Un peu avant. 2015. Un peu encore avant. 2014. Allez, 13. Voilà. C'était l'été 2013. Pharrell Williams. On trouve toujours, t'as vu? Ouais, on dit tout, c'est bon. Voilà, l'été 2013, nous dansions, il était numéro 1 du Hot 40, notre ami Pharrell Williams. Voilà. En fait, c'est bien pour se réveiller, ça. Ah oui, ouais. C'est vrai. Mais quand même, je remarque qu'il n'y a que des chansons anglaises dans le Hot 40. Non, j'aurais pu mettre quelques chansons françaises, mais il y a quand même moins de... C'est quand même un classement international, donc rares sont les Français qui vont jusque-là. Hein. Bon, Et encore, quelquefois, il y a eu des exceptions. Hein. Bon, parce que Mylène Farmer, on était, voilà, au début, on était quand même moins international qu'avant parce que c'était un peu nos goûts, quoi. On était plus jeunes, on essayait de placer. Tu veux dire que tu truquais un peu le. Non, pas truquer, mais des fois, on poussait un peu plus, tu vois. Mylène Farmer, dans les années, fin des années 90, on était tous devant les concerts et tout, donc ça se vendait énormément, donc voilà, les premiers. Bah, à l'heure actuelle, ça se vend. On a l'impression que tu es en train de dire que ça se vend moins. Mylène Farmer, quand tu vois les ventes et les concerts. Mais c'est moins international. Enfin voilà, et un peu moins quand même. Se vend moins qu'à une époque. On connaît moins ses chansons que dans les années 90. Elle s'est plus discrète aussi. Voilà. Oui, de plus en plus. Non, puis le système des ventes de disques en France a changé parce que, j'ai absolument rien contre les rappeurs. Je n'ai absolument rien contre cette nouvelle vague de rappeurs, mais il y en a pas dans Maud 40. Non, c'est pas ça. Si, il y en a, mais enfin, on a l'impression que les Français n'écoutent que ça. Oui. Bah, c'est les ventes, hein, après. C'est les jeunes qui prennent. Ouais, oui, mais, voilà. Mais les jeunes, ils n'achètent pas. C'est ça que je comprends pas. Donc, ils écoutent en streaming. Et c'est pour ça que le comptabilité. Il marche comment tu calcules? C'est toujours sur les CD. Vu que maintenant il y a moins de disques vendus, mais il y a plus de, je sais pas, de plateformes. Oui, bah maintenant les classements ont un peu évolué. C'est ventes et téléchargements. Et écoute. Ah voilà. Et écoute aussi. Donc c'est un. Ouais, okay. Mais quand même, ça reste toujours les rappeurs. Alors certainement qu'ils vendent aussi, hein, mais c'est incroyable qu'il n'y ait pas d'autres choses qui, voilà, tout le monde n'écoute pas que du rap. C'est plus notre génération, quoi. Ouais, peut-être, mais ça joue. Enfin voilà, donc c'est un constat, c'est pour ça qu'il y a quand même des rappeurs dans l'autre 40, mais il n'y a pas que ça non plus, parce que le monde ne tourne pas que autour des rappeurs. Je vais me faire des amis ce matin à 6h30. Non mais ça doit être compliqué de poursuivre l'aventure du Hot 40 en essayant de donner, parce que on n'a pas que des rappeurs qui sortent des disques, bon, pour essayer de proposer un panel de ce qui sort au long de l'année. Mais c'est un peu un questionnement qui interroge beaucoup les gens, même dans le monde des ventes, hein, parce que c'est ça. Ou alors il y a que les jeunes effectivement qui achètent effectivement ce type de produit et ou les télécharges, mais voilà. Bon, ça questionne en tout cas la manière dont sont comptabilisées les ventes de disques ou les streamings aujourd'hui. Alors peut-être le problème, c'est que quand on regarde du côté de Mylène Farmer, on a quand même une artiste qui donne envie d'acheter les albums physiques. Et on a peut-être de moins en moins d'artistes qui donnent envie d'acheter des albums physiques. Et alors, la majorité des téléchargements, c'est peut-être les jeunes. Et ceux des personnes de notre âge ou un peu plus jeunes, ils téléchargent, mais peut-être pas énormément. Les plus jeunes, ils savent même pas ce que c'est qu'un CD, donc ça va loin, quoi. Oui, ça va très loin. Enfin, disons, bref, c'est pas nous, quoi. Non, non. Un commentaire, Manon, peut-être, parce c'est que là... que j'ai laissé. Bon. Si, quand même. On en a à la maison. C'est vrai qu'on les écoute moins, par contre. C'est vrai qu'on a tous beaucoup de CD. Beaucoup Est-ce de qu'on CD, écoute oui. encore beaucoup de CD? Alors, je vais faire l'ancêtre, mais j'ai des vinyles chez moi. Oui, moi aussi. J'en ai des caisses. Mais... Et vinyle, ça revient à la mode, hein. C'est vrai qu'on voit de plus c'est en plus. C'est trop rigolo, ça, d'ailleurs. De jeunes avec des vinyles. Mais bon. Voilà, c'était notre analyse de la situation des ventes de disques à 6h32. C'est pas facile, mais on fait avec. Revenons maintenant sur nos années feuilleton. Parce que... En 2025, Fadjet fête ses 40 ans. Voilà. Et Fadjet fête ses 40 ans, et dans 40 ans, il y a eu beaucoup d'événements. On a parlé de la résidence Jean Lamour hier, on aurait pu parler de la suite de la résidence Jean Lamour, les coulisses de l'audace, avec Carole, l'héroïne de ce feuilleton qui était venue mettre la zizanie dans la sympathique résidence où nos habitants essayaient de vivre leur vie. Et là, ce matin, je voulais qu'on s'arrête sur ce qui a suivi. Alors, pour aller un petit peu chronologiquement parlant, nous sommes dans les années 2005, 2006, à peu près dans ces eaux-là, le quart d'heure de 15 minutes. Oh, avant, un petit peu avant, moi je dirais. Début des années 2000, oui peut-être, entre ouais, 2000, ouais, ouais, 2000 et 2005. Début des années 2000 jusqu'en peut-être effectivement 2004, 2005. Ouais. Avec un concept un peu différent pour poursuivre un peu cette aventure feuilletonnante, mais un peu moins strict pour être plus un peu, peut-être un peu plus, avec plus de facilité. Il y a eu ces petites histoires tiré de... Alors, du journal Flûte Glaciale, c'était des aventures de Léandry que Daniel et Christophe avaient... enfin, voilà, ils lisaient régulièrement. Et ils ont demandé à Léandry s'il les autorisait à les adapter de façon radiophonique. Léandry a accepté. Donc, ça a été mis en scène, orchestré par Jean-Luc en metteur en scène, réalisateur, monteur et disputeur. voilà. Et donc, c'est vrai que ça réunit... Ça faisait réunir aussi un peu, dans la poursuite du feuilleton, on s'est réunis pour créer ces petites histoires qui avaient l'avantage d'être uniques. Et donc voilà, c'était une petite histoire, alors qui durait pas forcément 15 minutes, mais non, c'était drôle. La moitié de 15 minutes. Le quart d'heure de 15 minutes, mais finalement on arrivait à en mettre deux dans le quart d'heure. Souvent c'était comme ça que ça se passait. Et qui allait dans tous les sens, il y avait tous les univers. Des histoires très absurdes. Voilà, mais avec ce fil conducteur-là, un peu absurde, drôle, quelquefois un peu morbide. Il y avait un peu tous les styles. Et ce qui était intéressant, c'est que ça pouvait réunir. Alors, on avait donc des habitués de la radio qui étaient très à l'aise et qui donc interprétaient les textes. En général, ils avaient les rôles principaux. Et on avait les petits stagiaires qui passaient et qui faisaient une voix, deux voix, mais qui étaient super contents à la fin. Enfin, voilà. Et en fait, ça finissait toujours, c'est généralement par un repas à la radio et en soirée jeu. Enfin, et ça a créé une dynamique sur ces années-là. Un groupe, un vrai groupe qui se retrouve d'ailleurs avec plaisir là sur ces 40 ans, on se recroise, on est content de se revoir et il y avait une vraie ambiance, Francis. C'est des très très bons souvenirs. Ça permettait à la fois de mixer les gens de la radio au niveau radiophonique, puis les amis, les copains, la famille qui ne faisaient pas de radio et qui disaient allez, viens, on va enregistrer une fois, hein, quoi. Et puis hop, on les intégrait au groupe. Effectivement, même ils avaient moins l'habitude. Les administratifs de la radio, tous ceux qui passaient, qui n'étaient pas forcément à l'antenne. Et ouais, ça faisait c'était bien. Ça faisait une équipe à dimension variable qui bougeait toujours. C'était jamais il y avait toujours un noyau, les réguliers, on va dire. Mais c'était très bien. Le directeur de l'antenne, Bernard Albert, qui était venu faire des voix, enfin voilà. Alors qu'il faisait pas de radio, il en faisait chez lui, mais. mais pas la radio. Enfin, c'était vraiment une très très belle dynamique. Et puis les histoires, en fait, on les réécoute. Moi, je sais que mon fils les réécoutait dans la voiture quand on allait au travail. Chaque fois, il me disait, oh, je peux réécouter tout ça. Yves me disait tout à l'heure dans la voiture, il y avait un petit jeune qui écoutait ça, moi j'écoutais ça quand j'étais petit, et il y a pas longtemps, et hop, je me suis refait toute la série, et avec plaisir, etc. Donc, en fait, ça a pas tant vieilli que ça. Et vous pouvez les retrouver sur le site. Ils sont sur le site. En fait, là, je viens de retrouver. Je les avais mis en ligne. Il y en a 62, je viens de les compter. 62 qui sont en ligne. Et je pense qu'on en a fait plus parce que je les ai pas toutes. Et j'ai mis le lien sous le live Fadjet, sous le live Facebook là de Fadjet en ce moment là. Et ben vous pouvez les réécouter. Vous pouvez aller les voir. Peut-être tout à l'heure on en réécoutera une à l'antenne. Et peut-être dans la matinée vous aurez la possibilité d'en écouter vers quoi entre 10 et 11. Parce qu'on aura Christophe qui sera là avec Brigitte. S'il se réveille tout doucement, s'il émerge à 6h36, eh bien bonjour à vous deux, et puis bonjour à vous toutes et tous si vous branchez la radio. En attendant la vraie matinale à 7h, de 7h à 9h, avec Davy, qui est là, concentré, qui se dit, vais-je encore tenir 2 heures de plus? Encore un petit café? Tu auras droit à un café, après. Je sais pas s'il est coulé. Allez. Oui, mais lui, il aura pas le temps, parce qu'il va enchaîner. Ah non, c'est vrai et on n'a pas le droit de manger à l'antenne, tu vois. On n'a pas le droit de boire et manger ici. Hein. C'est pas écrit dans le studio, on n'a pas le droit quand même. Si, allons, de l'autre côté. Dehors, dehors c'est rentrez pas avec... Ah ok, bien Francis. Voilà. Ah bah. Francis qui était aussi et qui a créé le premier site de Fadjet, hein, je sais pas, tu l'as dit hier à l'antenne, mais effectivement c'est toi qui est venu un jour avec un petit projet. Et au début, c'est vrai qu'on t'a regardé avec des yeux, oulala, c'était 96, les radios associatives, un site internet proposé, quoi, pour faire quoi, ça sert à quoi, ça nous rapporte quoi, mais non, et si, mais c'est gratuit, essayons, on a essayé. J'étais au CA au moment-là, on a eu une discussion, peut-être au moins une demi-heure aussi. Ouais, il a fallu la convaincre. Ça sert à quoi? Ça va rien nous coûter, hein. Bon, allez, ok. Il faut quand même se rendre compte d'un truc, c'est que tout ce qui était communication par Internet, finalement, c'est à partir des réseaux sociaux que la radio a pris le truc en main et est devenue autonome sur le sujet, et a pris les choses en main. avant, c'était moi qui avais apporté un petit projet qui a servi à certains animateurs. Laurent, oui, peut en témoigner. Oui. Ça m'a servi au début de Destination Série. Ouais, tout le monde en a pas, comment dire, profité ou l'a pas utilisé, mais j'essayais de faire quelque chose qui soit représentatif de l'antenne, c'est-à-dire que autant d'émissions, enfin chaque fois qu'il y avait une nouvelle émission, il fallait la rajouter, enfin ce genre de choses, quoi. Donc ouais, c'est vrai que ça a permis à Fadjet d'être en ligne et d'être écoutable en ligne. Là, oui, c'est un chapeau à Jean-Luc, parce que même des grosses radios nationales genre France Inter étaient pas écoutables en ligne, alors que Fadjet si, et là à l'époque on bichait, quoi. Toujours à la pointe. Fadjet, moi ça a été mes débuts sur internet, c'est les premières pages que j'ai mis en ligne, c'était sur le site de Fadjet. Cool. Et on pouvait voter pour les hautes 40. On pouvait voter effectivement. Oui. En fait, l'animateur venait me voir, il me dit, est-ce qu'on pourrait pas faire ça? Je réfléchissais, ouais. On peut faire ça comme ça. Mais d'ailleurs, il y est plus maintenant. Il n'y est plus, l'autre 40. C'est plus le même site. C'est plus le même site. Je vais botter en touche comme ça. Non, mais voilà, les choses ont bougé. Quoi. Non, c'est vrai. Il pourrait être sur Insta et tout ça, mais moi, je suis pas trop. Je suis resté. J'ai un peu du mal. Passons. T'as raison. On est déjà atrocement en retard. J'allais dire Jennifer. Sous-Hélène, c'est à toi. Ouais, c'est pas mal, Jennifer. Hein. C'est pas mal, ouais. Et Jennifer à la radio? Non, c'est une collègue de boulot. Oula. Bon, allez. Sous-Hélène. Joue encore avec Fadjet, là maintenant on doit être imbattable, après 35 heures et 39 minutes de direct. Alors, enfin, j'ai pas trop écouté parce que je posais des petites questions. Oui, non, mais. Il est là-bas. Francis parlait donc du site web, et donc c'était une des premières radios à avoir eu un site web. Oui, c'est un peu ce qu'on en radio associative, oui, tout à fait. Ouais, c'est vrai. En radio associative. On était les premiers. Waouh. Alors, maintenant, il y a des ordis et tout, mais avant, c'était pas des ordis. À partir de quand, à peu près, sont arrivés les ordis? Oh, alors 2000... là. 2002. Ah oh, non, peut-être avant. Non. 2000. Ouais. Presque. 99. 99, ah, oui, à peu près. C'est pas du. Mais avant, ça n'émettait pas 24 heures sur 24. Ça fermait, ça s'arrêtait à une heure. Oui, et c'est puis... vrai. Oui, ouais. La nuit, ça te coupait. C'était un souhait de la directrice de l'époque, je pense. Hein. Ouais, ça a été. Que ça... les jeunes, non, il faut qu'ils aillent dormir. Enfin, je caricature, mais c'était un peu l'idée. Et ça a été aussi un combat, hein. On tirait, je me rappelle, on négociait. Bon, allez, on pourrait peut-être rajouter une ou deux heures, aller jusqu'à 2h du matin. Et on a été on a fait 5h, 2h à un moment donné. Et après, là, on s'est dit, bon, quand même, là, 5h, 2h. C'est sûr qu'avec l'ordi, c'était mieux parce que vous pouvez programmer les choses et ça tournait tout seul. Avant, c'était les cassettes. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, il fallait venir. Il y a toujours quelqu'un de permanence pour venir changer les cassettes, les Revox. Alors, il y avait un Revox, après un câble lecteur cassette, un autre lecteur cassette, un autre Revox. Et une fois qu'on a fait toute la chaîne, il fallait que quelqu'un arrive pour tout rechanger pour que ça. Là, et moi, je me rappelle vraiment, aussi. Ancien combattant, là, du coup. Revox, cassette. Je me rappelle d'une époque aussi où, en fait, on arrivait. Bon, des fois, on voulait. On voulait passer un truc à l'antenne, on le passait parce qu'il y avait Ghislain a dit qu'il était arrivé, le directeur d'antenne, pour tout recadrer. Mais à cette époque-là, on faisait une soirée à la radio. Et ben, on se disait, tiens, j'ai envie d'écouter des trucs. Allez hop, comme on n'avait pas de lecteur, voilà, on n'avait rien pour écouter la radio dans la pièce. C'était du piratage. On allait changer le programme de la radio et on s'écoutait ce qu'on voulait. Oui, on changeait les cassettes. Voilà, on voulait. Voilà, c'était un programme la nuit, le soir un peu tranquille. On avait envie de bouger, on allait regarder cassette de l'après-midi où ça bougeait un peu. Hop. Pour notre soirée, on avait notre programme. Mais après, on remettait la cassette après. Bon, après, on peut le dire parce qu'il y a. Il y a prescription. À l'époque, Jean-Luc était déjà là. Non. Ah bah non. Non. Il faut savoir s'il avait chaud. Il est arrivé vers 98. Non, là, on se serait jamais permis. Non, il est arrivé avec Ghislain aussi. Voilà, ils font partie des personnes qui ont bien tout recadré. J'aime bien le recadrage d'Edith. C'est vrai que, c'était pas la même époque non plus. Non. Mais on arrivait l'après-midi. Je peux faire 2 heures d'antenne. Bah ouais, vas-y, fais 2 heures d'antenne. On passait les musiques qu'on voulait, comme on voulait. Pas de couleur d'antenne. Voilà, c'est. C'est sympa. C'est notre époque, mais c'est bien aussi. Et à partir de quand c'est passé à 100%, 24 heures sur 24? Alors avec les ordis, forcément. Ouais, donc si les ordis sont 2002, 99, un peu après, 2001. Non, 99. 2000. 99. À peu près, environ 2005. Non. Ah. Oh ben, je viens de demander. Hein. Il a fallu que Marie-Claude. C'est dit, Julie, il a fallu. Non, non, on a tiré et on a eu un moment assez longtemps, 5 heures, 2 heures. Hein. Et après, on dit, bon, voilà, à force, restait plus grand chose, on a gagné. 2 heures, 5 heures. Ah non, pour diffuser, oui, 5h, 2h, oui, d'accord. Ça marche dans les deux sens. Non, parce que c'était un peu court pour les auditeurs de nous écouter pendant la nuit. Non, mais. En quelle année le logo a été changé? Ah, on l'a vu en bas. Oui, c'est dans les trucs de. C'est récent. 95. 98. Non, changé. Enfin, qui est celui actuel, quoi. Oui, celui qui est 2014, me dit Manon. Hein, 2014. Ah, bravo. Bravo, Manon. Je ne m'en rappelais plus. On l'a dit tout à l'heure, on l'a entendu, il y a une émission qui est aussi âgée que la radio. Parole d'outre-mur. Voilà. Et il y en a une qui s'en rapproche. Hein. C'est 40. Pour ceux qui ont suivi. Parole d'outre-mur, donc l'émission à destination des prisonniers. Voilà, ouais. Avec le courrier, il y a gardé aussi ce qui est bien, ça a un peu évolué, on peut envoyer des messages par internet et tout, mais il reste toujours la possibilité d'envoyer le courrier, et c'est bien, pour ceux qui ne sont pas, n'ont pas la possibilité de faire autrement. Il y a aussi un petit peu moins, elle n'est pas dans les 40 ans, mais il y en a une qui est aussi âgée comme émission, une des plus anciennes. Bah 94.2 Service Compris, voilà. Qui elle est... 91. Ouais. 91. Avec Edith qui a fait la première matinale. Voilà, t'as retenu. J'ai retenu hier, tu vois. Et t'as retenu la date le 16 septembre. Le jour septembre. De ta fête, 16 voilà. septembre. Et on lui a jamais souhaité autant sa fête. Son anniversaire, ouais. Donc la radio, c'est sur 94.2 FM, mais c'est aussi sur d'autres moyens. Bah, internet, et puis DAB machin, là. DAB plus. DAB plus. Et puis le player, je sais radio quoi. Player. Radio player. Effectivement. Donc ça, c'est une appli mobile. Hein, pour, voilà. Oui, ça va avec le monde d'aujourd'hui. Et donc, Fadjet fête ses 40 ans ce week-end, mais elle a fêté ses 25 ans. Okay, l'autre il y a 15 ans. À l'autre canal. À l'autre canal, ouais. Oh, c'était chouette. C'était bien, ça aussi, ouais. Et ces 30 ans, qu'est-ce qu'on a fait pour les 30 ans de Fadjet? Eh ben, on a fait 30 heures d'émission. On avait fait plein de choses. Ils ont redit hier un pichon. Sur le parvis avec des associations partenaires. Non, avec des trucs de musique. Il y avait eu aussi des. Alors, dans la cathédrale, alors. Un gâteau, mais aussi des à pichon à l'intérieur d'espèces de conférences thématiques. Oui, il y avait du théâtre, des concerts, voilà. Et puis apéro public. Apéro public. Et puis les 30 heures, bien sûr. Voilà. Il y avait eu beaucoup de choses pour les 30 ans. Voilà, c'est bon. Merci. Allez, sans transition, vite, 6h46. On va être à la bourre. Hein. Heureusement, j'ai dévié à côté de moi. allez, deuxième période. Là, on. D'ailleurs, la plus récente, 2015-2025, 4 titres pour finir avec le Hot 40. Que des Anglais. Hein. Que des Anglais. Bah, oui. Mais ils sont marquants. Allez, le premier. Est-ce que c'est 2015-2025, oui. Mark Ronson? Oui. Moi, je suis ce que dit Manon. Tout juste, hein. Mark Ronson était numéro 1 du Hot 40 à l'automne 2015. Mark Ronson et Bruno Mars. Ah, c'est pour ça. J'ai failli dire que ça m'a pas marqué. Et Valentin, et en fait, tu connais. Arrivé à ce. Ouais, pareil. Allez, qui n'a pas dansé sur ça? Donc, vous avez entendu un mois où Francis n'a jamais dansé. Vous n'avez pas dansé sur Justin Timberlake? Non. Non, mais moi je crois qu'il y a une certaine période, j'ai plus dansé. C'est même pas une question de danser, c'est que la musique ça me parle pas, celle-là. Ça danse dehors du studio là. Ouais. Allez, la matinale est en forme. Hein. Et tu as sélectionné du Justin Bieber? J'aurais pu aussi, ouais, non. J'en ai pas mis. Ah, quand on voit le nombre de fois où il nous a bassiné avec le Justin Bieber, on n'est même pas dans la sélection. Justin Bieber a été numéro 1 souvent, mais non, j'ai pas mis Justin Bieber. Et vous avez tous reconnu Justin Timberlake, c'était tiré d'un film. Troll, le premier. I can dance, dance, dance. Ah. Oui. Dance, dance, dance. Et c'était l'été quoi? Parce que du coup, je vais vous donner la réponse. 2016. Et c'était l'été 2016. Oula, derrière. C'est la folie là-bas dans les couloirs. Hein, ah, mon Dieu. C'est dommage, il n'y a pas de caméra dans les couloirs. 2004. Et il y a des jinglantés. 2014. Bah non, c'est plus des. Bref. 2020. L'été 2016, c'était donc. On était bien dans la période. Et celui d'avant, il aurait pu être dans l'autre période. Hein. Oui, c'est limite, effectivement. La suite, alors là. Là, les années, bah, je ne sais pas, j'allais pas dire l'année, mais. Vas-y, continue. Il y a les années coréennes, hein, ce groupe-là qui fait tomber toutes les midinettes. Hein? C'est Noël. Holiday Remix, t'as choisi. Ah oui, j'ai pris un oui, c'est les vacances. Oui, je crois qu'il était plus. Version de Noël, c'est ça? Non, mais. Ah oui, je pensais au Holiday, moi je pensais l'été, mais non, c'était plutôt vers ton Noël. Les grelots de Rennes. C'est vrai, donc c'est le groupe BTS. Bon, après, c'est pas, c'est pas la version la plus. Si, c'est ça. Non, bah là non, mais il était, oui. Mais la version, c'est pas une version. Attends, j'en ai une autre si tu veux. Boum. Hop là. Voilà, merci, c'est la version la plus connue. Moi je mets ce que tu me donnes. Non, c'est vrai, non, t'as raison. Non, mais je pensais au lit des vacances, moi, parce qu'en fait, il était numéro 1 l'été 2020, je vous donne la réponse. Hein. Donc il fait partie de la période. Il fait partie de la période, le groupe BTS, vraiment. Alors, en ce moment, on les entend moins, je vous donne l'info, ils sont au service militaire. Hein. Ah. Parce qu'en Corée, là-bas, ça rigole pas, même quand on est une vedette, on fait son service militaire. Combien de temps? Et ça dure, oulala, 2 ou 3 ans là-bas. Ça rigole pas. Ah, ça rigole pas. Hein. Bah, ils ont la Corée du Nord au-dessus. Hein. Mmh. Oui. Mmh. Faut mieux être prêt. Dynamite. Et enfin, petit dernier pour la route. Celui-là aussi, on le connaît bien, mais est-ce qu'on arrive à le replacer? Navigator. Non, c'est la version originale. Ah. I got a feeling. Black Eyed Peas. Tonight's gonna be a good night. 2012, non. Ça fait pas partie de la. Non, non. C'est plus ancien. 2009, c'est plus ancien. Ouais. Oh là là, la tricheuse. Effectivement, 2009, printemps 2009, nous dansions tous sur Black Eyed Peas. I got a feeling. Alors, Black Eyed Peas, ça marche moins bien maintenant. Oui. Alors que. Ah, ils avaient une période. Alors qu'ils ont fait des tubes, enfin des discos, des chansons aussi entraînantes que celle-là. Je me dis, ah putain, celle-là, eh ben non. Ça marche moins bien, pourquoi? Il n'y a pas beaucoup d'artistes qui durent maintenant. Ils se sont séparés, je crois. Non. Il y a trop de rappeurs. Ouais, mais. Fergie. Oui, peut-être. Mais là, c'est pas totalement. Alors, s'ils se sont séparés, c'est une explication. Ouais, mais les titres, bah, ils sont un peu renouvelés, mais. Les titres sont toujours pas mal. Les derniers singles qui sont sortis auraient mérité. Ils étaient aussi. Semblaient aussi forts que celui-là. Donc, il n'y en a plus maintenant, en ce moment, dans le Hot 40. Non, non, il n'y a plus de Black Eyed Peas actuellement. Pour en revenir à cela. Voilà. Allez, 6h52, sans transition. Le Manon. Fadjet. Oh. 40 ans de musique, d'actu locale et de bonne humeur. Oh. Destination série, le Manon série quiz. Je me demandais d'aller revenir. C'est le Manon morning quiz. Hein, mais j'ai demandé à ce qu'on me le remette, mais c'était pas le bon. C'est pas grave. Non, c'est... Mais regarde la tête. T'as Laurent qui. 6h52, c'est l'extase. Allez, Manon, à toi. On parle pas série, mais c'est pareil. Eh ben on va quand même parler de séries en plus. C'est... J'ai une petite question sur les séries. Je me suis dit, il faut que je fasse un clin d'œil quand même pendant, pendant ces 40 heures. Voilà. J'ai une question dessus. Pour les nouveaux, puisqu'il n'y avait pas tout le monde hier, je rappelle les règles. Il y a une catégorie, des propositions de réponses. On va s'intéresser à des événements ou des, bah, du coup une série là, qui fête ses 40 ans aussi cette année. Voilà, parce que moi, il y a 40 ans, je n'étais pas née, donc raconter l'histoire de la radio, c'est un peu compliqué. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez compris ? Oui. Oh, oui, c'est parti. Dans la catégorie, on va commencer par la série du coup. Je vais vous donner 4 séries, laquelle fête ses 40 ans cette année. La première, MacGyver. La deuxième, Miami Vice. La troisième, L'Agence Touriste. Et la dernière, Les Simpsons. Les Simpsons ? L'Agence Touriste ? Moi je dirais MacGyver. Ouais, MacGyver aussi. C'est plus ancien. 1980, plus ancien. MacGyver ? MacGyver, 1985. Et bien, le roi des séries reste le roi des séries, bravo. Ah, mais il n'a pas le droit de jouer, lui. C'est le 29 septembre 1985. Ouais. Miami Vice, c'est en 84. L'Agence Touriste, en 83. Et oui. Les Simpsons, en 89. C'est plus tard. C'est tout bon. Ouais, j'ai l'impression d'avoir regardé ça quand j'étais petite, MacGyver. Plus ancien, ouais. Voilà. Après, ils se collaient tous en date, hein, ce que tu as proposé. Oui, j'essaye un peu de rendre ça compliqué. Voilà. Pour la deuxième, on va plutôt parler des avancées technologiques. Alors, quel événement se passe en 85 ? L'arrivée de l'ordinateur personnel, la date de création du domaine internet.com, la création du Walkman ou l'arrivée du caméscope ? À votre avis ? Oula. Walkman ou caméscope ? Ah, le point com, l'ordinateur, je dirais. Moi, je dirais. Tout le monde dit des trucs différents. Attends, faut demander au spécialiste informatique. Il dit quoi, Francis ? Pourquoi il me regarde ? La pression, un peu de pression. L'ordinateur sur personnel, ça peut être sympa, mais d'un autre côté, non, c'est plus vieux que ça. Non, c'est plus vieux que ça. L'armée, oui, si. Walkman, ça existait, oui, en 85, 86, ça existait parce que j'en ai. Des débuts des années 80. Caméscope. Ouais, donc, le caméscope, je dirais, je du coup. Je pense que Benoît a la réponse. Bah, c'était le site internet.com. Ah, le voilà, .com. Voilà, déjà. Voilà, donc l'arrivée de l'ordinateur personnel, c'est dans les années 70, mais il arrive vraiment dans les foyers plus vers les années 80. La date de création du coup du domaine internet.com est initialement administré par le département de la défense des États-Unis en 85. La création du Walkman, c'est en 79. Et l'arrivée du caméscope, c'est en 83 par Sony. Voilà, voilà. Et la dernière question, alors là, c'est un peu toute catégorie mélangée, parce que voilà. Donc, quel événement se passe en 85 ? La sortie de la première basket Air Jordan par Nike. L'assassinat de John Lennon. La première exploration d'Uranus. Ou la création du TGV par la SNCF. Là, c'est compliqué. Hein. Alors, c'est pas le TGV, parce que le TGV, c'est 81. Ouais. Bah, il dis donc, il a les dates hein, aujourd'hui. Ouais, bravo. J'aurais dit 80 aussi pour le TGV. C'est 80. C'est bien avant, non ? C'est 79. Ouais. Oui. La basket ? Bah, Jordan, c'est pas avec Michael Jordan ? Oui, c'est ça. Bah, oui. Il date pas d'après 85, hein, Michael Jordan. C'est quoi ton dernier choix ? Uranus. Uranus ? C'est la première exploration d'Uranus. Ah bon. Ah bon, on va dire ça comme ça. Oui. Vous êtes sûr ? Moi, je garde la basket. C'était la basket, bravo. Qui est sorti le 1er avril 85. Voilà, voilà. L'assassinat de John Lennon, c'est en 80. La première exploration d'Uranus, c'est en 86. Et la création du TGV, du coup, c'est en 81. Bravo, Laurent. Voilà, voilà. Merci, Manon, pour ce Manon Morning Quiz. On termine, parce qu'il est 56, les années TME, les années feuilleton, tout ça se termine avec l'Académie Fadjet, qui, je vous promets, reviendra un jour, parce que depuis le temps qu'on m'en demande. Ah ouais, ça c'était bien. Pour me donner une pression, on finira les 40 ans avec une Académie Fadjet spéciale. J'ai toute l'année pour m'en occuper, ça doit pouvoir se faire. Hein, on finira les 40 ans comme ça, on prend rendez-vous sous Hélène. Rendez-vous en décembre pour finir les 40 ans avec une Académie Fadjet spéciale. Et on finit avec une chanson parce que TME, les feuilletons, tout ça, l'Académie Fadjet, c'est des chansons. Voici en 2002 ma version de la SketchUp. The Ketchup Song, parce que le ridicule ne tue pas et qu'il n'a pas fini de tuer. Rendez-vous à 11h. Voici la SketchUp et puis ensuite, bah Davy, Davy revient, ouais. Continue. Je vais lui rendre ma place. C'est sa place que j'avais pris. Davy revient. Il est jamais parti. Exact. Pour la matinale avec toute l'équipe, j'ai vu du beau monde déjà dans le couloir, notamment Alex. Alex, il revient pour la matinale, c'est ça, hein? Oui, très bien. Allez, la SketchUp pour finir. Et on continue les 40 heures avec la 36e heure dans quelques instants avec Davy et la matinale. Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, viene Diego.